podcast et bonjour et bienvenue à la deuxième balado-diffusion en direct des Passages. Brasse tes miches, les Passages. Oui, en directement différé des Passages. Et puis, ici Frédéric Barbouchy en compagnie d'Antoine Vézina. Salut, Fred. Salut, Antoine. Et Jean-Philippe Durand. Salut, ça va? Oui, salut Antoine, toi? Salut, salut. Hey, Mathieu Bouillon! Bonsoir à tous! Oui, alors, 79e balado. Hein? Incroyable. Ouais. Allez-vous être là la semaine prochaine pour la 80e? Ouais! Yeah. Les noces de... Les noces, de... pas d'Albâtre. D'Albâtre. Non, non, Albâtre, c'est 75. Ouais. 80, non, on oublie tout le temps. Affaire, je dis ça, ça sera pas long. Oui, ah ouais, okay. Mais voilà, on va continuer avec un nouveau problème qui nous vient de Linda Sauvage. Pseudonyme, oui. Oui, alors... Noces de chêne, 80 ans. Oh. Noces de chêne. Oui. Chêne, en chêne. Oui. C'est oh. Chaine. Oui, hey, j'ai un fan qui s'est déplacé. Les noces de chêne. Il n'y a pas 18 ans! Je non! Que c'est pas, non, c'est chêne. Les noces de chêne. Les noces de chêne. Oui, alors, Linda Sauvage nous propose le problème suivant. Comment se faire pardonner l'impardonnable? Je répète. Comment... OK, bon. Comment se faire pardonner l'impardonnable? Je vais le tweeter. Pendant mais que... comment ne... Comment ne pas pardonner quelque chose à Linda Sauvage? C'est tellement un nom fort, tu sais. Mais on apprivoise pas Linda Sauvage. Bon. Moi, j'ai une solution sérieuse. Oui. Ben, vous pouvez vous adresser au Centre du pardon canadien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, le Centre du pardon canadien, si tu as un dossier criminel, tu peux demander d'être pardonné. Alors, il faut d'abord attendre 3 ans suite à ta sentence. Ou ça peut aller jusqu'à 10 ans pour des crimes graves. Et s'ils acceptent ta demande de pardon, ton dossier criminel va être tenu secret. Donc, si les gens font des recherches sur toi, des employeurs comme ça. Il existe l'équivalent, évidemment, aux États-Unis, où le président peut gracier des gens, peut intervenir. Mm-hmm. Également, les gouverneurs des États. Donc, tu peux demander un pardon pour quelque chose qui, aux yeux de plusieurs, serait impardonnable, comme un crime grave, Mathieu. Que t'as peut-être commis? Oui. Mm-hmm. Ben, écoute, comment c'est démarche, mon gars? Tu peux aller directement non, sur Internet? Ça rentre vraiment dans... Ça rentre pas dans l'oreille d'un sourd. Là. Puis on pourrait donc qu'est-ce effacer fait, ton Mathieu? Dossier judiciaire. Bon, j'attendais la question. Ce que j'ai fait... Vas-y donc. C'est épouvantable. J'ai détruit un hôtel... au Monopoly. Non, ça n'a pas rapport. J'ai rien fait de crime. Non, mais... Mais c'est drôle que ce soit ça qui soit sorti en premier. Oui, j'ai détruit un hôtel. Puis t'as vraiment fui Rimouski, là, autour de 2002. Ça, là. C'est vrai. Je suis jamais retourné, hein. Non. Linda est... Oui, Linda, la Linda, est dans la salle. Oui. On peut peut-être lui demander de nous donner un exemple d'action impardonnable. Oui. Est-ce qu'on a un exemple de quelque chose qui se pardonne pas? Non, on serait déçus. On est encore plus déçus de ne pas en avoir. Non. On est mieux d'imaginer quelque chose de plus large que le fait réel, là, c'est ça? Ouais. Parce que brûler les cheveux de ton chum, c'est pas assez. Ouais. Pendant qu'il dormait. Ouais. Ben, tu sais, mettons, si on passe à des dictateurs là, qui ont fait des crimes contre l'humanité, ça, c'est quand même... C'est gros. C'est de l'impardonnable, tu sais. Mais je pense pas qu'on côtoie des gens qui font ça. Ben, ton ami Paul, là... C'est Paul. Oh, Paul, oui. OK. Paul pote. Paul problème. Oui. Alors, non, ouais. Quoi? Mais je trouve que ça entrecroise un problème qu'on a eu l'autre fois par rapport au pardon, tu sais, à la... En fait, c'était réconcilier quelqu'un qui... C'est ça, la meilleure amie de l'autre. Susceptible et quelqu'un qui est un peu baveux. C'est ça. Parce que nous, dans nos vies courantes, je pense que c'est rare qu'on va vivre l'impardonnable. Il y a des gens qui vont... Des personnes assez susceptibles qui vont vite dire c'est impardonnable ce qui s'est fait, mais au bout du compte, on n'a pas vécu d'holocauste, d'affaires énormes là, qui sont totalement impardonnables. Ouais. Fait que je pense que c'est vraiment relatif. Antoine, tu reviens de Guantanamo? Oui, absolument. Ça a très bien été. Ça a été... Non, mais la température est exceptionnelle. C'est à Cuba. Une espèce de tout inclus, un petit peu plus rough. Ancienne orange. De toute façon, la bouffe à Cuba, c'est toujours moyen. Ouais, c'est moyen. Si tu manges pas bien à Cuba, ça c'est... Non, vrai. Non, ça c'est vrai. Tu y vas pour la température. Ouais. Oh ouais. Mais t'as pas apporté de linge? Donc, je pense qu'une de mes solutions préférées depuis deux, trois semaines, c'est le carnet de coupons. Hein? Quelqu'un, tu veux pas te pardonner de quelque chose? Carnet de coupons? Mm-hmm. Non? Oui, tout à fait. Mais quel coupon on pourrait mettre là-dedans? Peut-être créer une situation de vie ou de mort et sauver la vie à cette personne-là. Pour qu'elle te pardonne? Ouais. D'avoir fait exprès pour l'avoir mis en danger? Mais non! À son insu. Mais non, mais c'est quitte ou double, tu sais. Tu fais... là, elle te pardonnera jamais. Mais, tu sais, il faut que tu essayes, si c'est impardonnable. Oui. Tu stages ça, là, quelqu'un en char, puis qui arrive pour y foncer dedans. Non, tu te pitches, c'est ça, t'as sauve. Oui. C'est une bonne idée. Ou ses enfants. Tu donnes un terrain, genre. Oui. À un de ses enfants. Mais elle va te pardonner, non? Oui, mais avant... Tout? Mais avant, il faut que tu forces son enfant à avoir un rein défectueux. Ben oui, mais tu mets du sel en secret dans, ses affaires. Là, tout le temps, ça bloque complètement. Oui. Tu t'assures que t'es compatible. Une affaire de rien, je l'ai fait. Ça, c'est... Prends des Tylenol avec un bon verre de jus d'orange, puis c'est une pastille de clore. Oui, l'ai fait deux fois. Plus de rein. Oui. Tu sais, là, il y a le syndrome de Stockholm qui fait qu'on peut, mettons, se lier à quelqu'un qui nous a soit séquestré ou fait du mal. Tu sais, il a peut-être essayé de stockholmer ça un peu. D'y aller encore plus loin. Ouais, la personne, elle veut pas te pardonner la chose que t'as faite qui est impardonnable. Puis t'as kidnappé. Puis tu t'as torture jusqu'à temps qu'elle fasse finalement Stockholm. Stockholm, c'est moins pire. Stockholm, ouais, Stockholm vient d'embarquer. J'appelle Stockholm. J'utilise ma carte Stockholm. Ouais. Je te comprends finalement. Ouais. Mais tu sais, comment se faire pardonner l'impardonnable aussi, je pense que c'est important. Puis il y a le principe de la bonne excuse. Ouais. C'est pas juste dans un couple, dans une situation et tout ça. Puis ici, j'ai des règlements par rapport aux excuses que je trouve quand même assez intéressantes, à respecter du moins. Faut rester calme quand on s'excuse, pas de panique. Prendre la situation d'une manière très, très simple à la base. Ensuite, décider que c'est la personne à qui on s'excuse qui choisit le moment pour recevoir les excuses. Donc, pas forcer les excuses un peu sous, fin de soirée dans un bar pour dire « il faut que je te parle », puis finalement, ça devient n'importe quoi. Donc, lui dire « quand est-ce que tu veux qu'on se rencontre? » « Parfait, le 25 décembre à 9h le matin, je vais être là, on va s'excuser, on va se dire ce qu'il faut. » Brunch d'excuses. C'est ça, exactement. Ensuite, préparer un plan de discussion avant d'entrer dans la discussion de l'excuse, parce qu'il faut arriver préparé dans ce genre de situation-là. Donc, préparer un plan, peut-être sur feuille, qu'est-ce que je veux dire et de quelle manière et tout ça. Ensuite, quand c'est le moment de la discussion, juste prendre un point à la fois. Fait que parler de chacune des choses que tu as faites et pas essayer de tout mélanger en même temps ou de s'excuser pour l'ensemble de l'affaire, mais plutôt prendre un point à la fois. Dire justement, bon, j'ai mis le feu à tes cheveux pendant que tu dormais, c'est parce que t'avais une gomme, passer au point 2. Bon, ça c'est beau, c'est réglé. J'ai fait du graffiti sur tes brassières, bon, on en parle. Je peux t'expliquer ça. Ensuite, il a utilisé davantage le je que le tu. Donc, dire au jeu, tout prendre. C'est le moment là, où il faut faire... J'ai mis le feu dans tes cheveux. C'est ça, exactement. Ça nous appartient. Je crois que tes cheveux sont laids. J'ai fait des graffitis sur ta brassière. T'sais, je. C'est moi qui l'ai fait. Ensuite, écouter attentivement. C'est vraiment important d'écouter attentivement, évidemment. Là, c'est les commentaires de l'autre personne. Hein? Il a aussi donné son point de vue sans tomber dans l'émotionnel. Et sans tomber surtout dans le pathétique, donner son point de vue sans dire, tu sais, se lancer ou donner des excuses ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça, rester très, très simple là-dedans. Et complimenter la personne souvent, je pense que c'est important de le faire aussi. Genre, t'es belle même si j'ai brûlé tes cheveux. C'est ça. Et ensuite... la gomme, ça t'allait mal. Pour des cheveux brûlés, ils sont très beaux. Le huitième conseil de cette liste qui rend complètement farfelu le restant des conseils, qui est « Prenons-nous par la main et demandons au Seigneur de nous aider à régler notre dispute. » Non, mais tu parles de. Ce qui est merveilleux dans la prière, c'est que les deux conjoints se placent alors automatiquement dans une position de recherche à la face de Dieu pour rechercher sa sagesse et la conduite de son esprit pour lui répondre. Donc voilà, oui. C'est Jésus qui a la solution au bout du compte. Hein? Il a pardonné beaucoup, Jésus. C'est ça, exactement. Le christianisme, l'idée du pardon est extrêmement importante. Ben ouais. On pense évidemment à Luc 17, les strophes 3 et 4, ou encore Matthieu 5, où Dieu, lui, va pardonner le péché aux hommes et les hommes entre eux vont se pardonner, ce qui a pu causer du tort. Mm-hmm. D'ailleurs, le credo, hein, le Notre Père, qui commence par... Notre Père qui es aux cieux. Par... Que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous nos offenses. Nos offenses. Nous pardonnons pardon, on demande pardon. C'est au cœur de l'affaire. sinon, évidemment, sans parler directement d'une cause qui est dans l'actualité maintenant, mm-hmm. où quelqu'un a fait un geste pour plusieurs impardonnables et qui essaie de plaider... Le gars qui a tweeté son pénis? La folie. Non, le gars qui a tué ses enfants. Ouais, le docteur. Excuse-moi. Alors, et puis là, écoute, on est en plein dedans. Évidemment, ça dépend quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Impardonnable. Ben, tu sais, aux yeux de plusieurs, enfin... et on essaie de plaider la folie, ou du moins, c'est pas moi qui étais là, hein, parce que c'est relié à la mémoire. C'est qu'est-ce qui décrit une personne, finalement? Ouais, c'est si fou. Si on sait que... nos cellules se régénèrent à peu près aux 7 ans. Donc, physiquement, on n'est pas la même personne qu'avant. C'est vrai. Ah, mais, non, mais c'est quoi le lien entre la personne, le Antoine d'il y a 10 ans et l'Antoine de maintenant? Certains vont dire... C'est arrivé, mémoire, d'ailleurs, Antoine, des choses comme ça. Au claviériste de Noir Silence, qui était quelqu'un il y a 7 ans et là, qui est devenu quelqu'un d'autre. On devrait peut-être juste, tu sais... Il est devenu quelqu'une. Oui, mais c'est ça l'idée de la folie ou de l'amnésie. Ça fait, je m'en souviens pas. Oui, c'est ça c'est qui est arrivé. C'est une personne qui l'a fait. Ouais, complètement. Non, mais on est en plein dedans. Là. Alors, il y a peut-être moyen de plaider ça pour se faire pardonner l'impardonnable. Mm-hmm. La folie, l'amnésie, la manipulation. Ou la dénégation aussi. Mettons, tu as tué mon enfant. Non. Tu sais, juste... Non. Juste semer le doute. T'es sûr? C'est pas à mon agenda. Non. Mm-hmm. Ah non, mais l'impardonnable, ça peut être gros, là. Oui, c'est l'impardonnable, généralement, c'est impardonnable. Mais il y a des super bons articles de Foglia sur le cas que t'as dit, d'ailleurs, où il parle du monstre qu'on a en nous et comment ce monstre-là peut agir de temps en temps. Puis que la seule différence, hein, parce que c'est pas totalement vrai, entre ce que fait ce gars-là et ce que nous, on fait dans la vie, c'est une décision. Puis c'est terrible, là, tu sais, c'est vraiment juste un push de plus. C'est ça, mais là, en fait, c'est ça. Mais c'est de savoir, est-ce qu'il a vraiment décidé? Oui, c'est ça. Voilà. Je pense que c'est le parfait moment pour dire merci, Sonar! Merci, Full! Merci au bar Les Passages! Oui, hey, merci! Et on merci est à Chassé Toyota pour le lunch. Il y a Pierre-Luc qui nous a écrit sur Twitter. Oui, excusez. Mais moi, j'allais dire, là, moi, je me fais souvent pardonner l'impardonnable parce que je galvaude beaucoup ce mot-là. Mettons, j'arrive en retard 10 minutes au bureau. Excusez-moi, c'est impardonnable. T'sais. Fait que j'ai comme l'habitude. Tu grossis à patente. Tu grossis à patente. Fait que le jour où je vais vraiment, mettons, tuer les gens. Donc, c'est changer la définition de impardonnable. Ouais. Oui, mais Mathieu, le Seigneur connaît nos fragilités respectives. C'est vrai. Non, parce que sur Twitter, on a aussi de Pierre-Luc qui a hypnotisé la personne pour la forcer à nous pardonner. Ah, c'est bon, ça! Et il y a Pascal Gauthier qui a écrit sensiblement la même chose que j'ai dit tantôt, en sauvant la vie d'une personne sans défense de façon in extremis. Très bon. J'irais à... peut-être... Tout le monde a quelque chose de d'impardonnable. D'impardonnable. Non, mais tu sais, de prendre le blâme de l'autre. Dire, regarde, je sais ce que j'ai fait, c'est impardonnable. Donc, trouve... Toi, quelque chose d'impardonnable, je vais le prendre aussi. Ah oui, c'est bon. Je vais faire de la prison pour toi ou je vais. Il y a un peu le concept du talisman. Non, c'est comme ça qu'on appelle ça. Œil pour œil, dent pour dent. Talion. Le talion, je dis n'importe quoi. Le talisman. Toi, du talion. Le talisman, ça, c'est le t-shirt que tu portes. Hein. Oui. Le t-shirt que tu portes est un talisman. Je suis pas un tennisman, je suis un talisman. Oui. La loi du talion, merci de me corriger, mais qu'est-ce que ce concept-là? Hein? Mon Dieu. On te punit par où tu as péché, mais on essaie de faire une faute aussi grave sur toi. Ouais. Comme ça. Encore dernièrement, c'est pas en Afghanistan, là? Ils ont violé une femme. Oui, parce que tout à fait. Oh, oui. Son frère avait couché avec une autre fille. Oui. Alors, ils ont dit, c'est un déshonneur total, impardonnable, on va la violer à 6. Et on remet les compteurs à zéro. Ce lien-là est extraordinaire. Clic, clic. Et voilà. C'est parfait. Calebrasse. En passant, les gars, vous avez fait une erreur. C'est pas un T-shirt qu'Antoine porte aujourd'hui. Je sais pas, c'est un coton ouaté avec les manches coupées. Ah! Oui! Ouais, c'est ben, c'est l'été. C'est mieux. Mais... Une... Écoute, il s'est changé avant le podcast. Là. Il a enlevé sa chemise de pirate. Ouais. Une camille ouatée. Puffy shirt. De puffy shirt. Bon. Oui. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que prendre des otages, c'est tout le temps bon, là. Ouais. Et ça va rejoindre le syndrome de Stockholm. Oui. Faut pas être stock-up sur le Stockholm. Oh non! Nouveau slogan, il est un peu bas. Est-ce qu'il y a des solutions dans l'assistance? Se faire pardonner. S'auto-pardonner. Ah, est-ce que c'est pas le plus important, ça, s'auto-pardonner? S'auto-pardonner. Soi-même. Ça vient d'un gars qui se pardonne souvent. Alors... Moi, encore hier, je me suis pardonné. Il vient de m'offrir une bière, il est très gentil, merci. Alors... Je ne te pardonnerai jamais parce que je n'ai rien à te pardonner et tout à te donner. Ah! Ouais, il n'y a rien là. Ça devient une escalade. Là. Ou trouver quelqu'un qui va y faire quelque chose de pire. Oui. Tu vois bien que c'était pas si pire, mon affaire. Check, Ou. Un ennemi commun. Oui, c'est toujours bon, ça. Oui. Ennemi de mon ennemi. Ben, mon c'est plat qu'on n'ait plus le RSS, d'ailleurs, pour ça. Ouais. Ça servait à ça, hein, dans le temps. On l'avait! Les Olympiques ont plus de sens depuis l'URSS. Ça servait à ça. On devrait le devenir. Ouais. On pourrait devenir l'URSS, mais on l'a. On l'a. Être ce soir que ça se passe, les gars. Je pense que Linda, là... Oui. S'arranger pour que la personne ne sache pas que c'est toi qui l'a fait. Oh! Très fort. S'arranger. Ça, c'est pour très bon. Dire, c'est pas moi, c'est le bébé qui est là. C'est le bébé. Quelqu'un qui peut pas parler. Le bébé a mis le feu. C'est le chien. Clairement, c'est la carotte qui parle. Hein. Ouais. Hey, c'est la semaine passée. Là. Ramène pas ça. Oui. Je suis ailleurs. T'es ailleurs, là. Une semaine a passé. Erreur sur la carotte. Mais je te pardonne. Oh! Mais c'était pas impardonnable. Ben... Mais peut-être, quand on est quelqu'un qui pardonne beaucoup, on inspire ça aux autres. Et peut-être, près de cette personne-là qui ne veut pas nous pardonner, pardonner beaucoup de monde. Tu sais, montrer... regarde, moi, je suis capable. Toi, tu n'es pas capable. De le prendre. Gandhi a fait une révolution pacifique. Hein? A fait une carrière là-dessus. Au lieu de... Non, mais au lieu de tomber dans l'escalade ou la vengeance... Il baisse encore là-dessus. Il en profite. Non, mais tu sais, peut-être forcer des moments avec cette personne-là, puis... Tu sais, pointer des choses qu'on voit pour faire « Ah, c'est pas de sa faute. Il est correct dans le fond. » C'est vrai. Tout le monde font des mauvaises choses. Juste les pardonner de loin, tu sais. Oui. Tu pardonnes à la personne qui veut pas te pardonner. Oui, aussi. Tu pardonnes à la personne qui veut pas te pardonner. Je te comprends, moi non plus, je me pardonnerai pas. C'est vrai. Tu fais bien. Oui. Continue, lâche pas. Vous rappelez-vous aussi, tu sais, quand RBO avait fait la chanson du pardon, tu sais, c'était quand même cool. Là. Un numéro musical, c'est un peu dur de rester froid. En chanson, on se trompe pas. Oui. Hein? Ah oui, tu fais une petite toune de guitare. Ouais. Please forgive me, I don't know what to do. Mais tu sais, t'imagines un dictateur faire une petite toune. Comme ça, mettons. Ouais. Genre, un dictateur paye Bryan Adams avec un gun sur la table. Please, OK, c'est bon. Non, tous les dictateurs ensemble qui font des harmonies. Kadhafi avec une guide, tu sais, puis juste un micro. Ah non, ça réglerait bien les affaires. Ouais. C'est sûr, regarde. Je m'excuse, tu sais. Je m'excuse. Je m'excuse, la gang. C'est bon, Antoine, je te le donne. Puis tu payes une tournée. De l'alcool, là, ça marche aussi. I'm sorry. Ah ouais. Je m'excuse tellement. Ouais. Mais en même temps, si ça fonctionne pas, l'alcool, tu peux quand même pousser la personne à aller faire quelque chose de gros, de pire. De... Toi, tu sais, tu te prends des petits shooters d'eau, puis là... Combien de fois ça m'est arrivé? Hey. Le seul, complètement blackout. Une toi. Fois, Antoine. Ouais. Une fois... En tout cas. Ouais. Je pense parlerai que je sais c'est laquelle. Sais-tu qu'on te pardonne, Antoine? Ah, ça serait smart. Est-ce que c'était en 2010 ou en 2011, étant donné qu'il était minuit? Hey, je me souviens pas. C'est ça. Je me souviens pas si c'était un blackout. OK. On te pardonne, Antoine. Ah, merci. Je me souviens pas de ce que j'ai fait. Mais ouais, comme vous, nous pardonnez de certaines longueurs, des fois, dans notre... Voilà. Mm-hmm. Oui, merci. Mais t'avais quelque chose, Mathieu? Ben, j'allais dire, moi, ma solution préférée... Oui. On en est là un peu. C'est le point 4 que tu as dit, Jean-Philippe. Je pense que oui. Ce qui était... allez-y calmement, je pense. Moi, ma solution préférée est toujours dure à appliquer. J'y arrive pas moi-même. Le talion. Tendre l'autre joue. Oh! Oui. Ouais, c'est Cato à fond. Moi, c'est clair que c'est rechercher la face de Dieu pour rechercher sa sagesse et la conduite de son esprit et pour lui répondre. Je vous remercie aux gens de la salle. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais c'est dégueulasse. Oui, moi, ce serait d'être de pousser la personne pas game. Non, pas game, mais dire... T'es pas game de faire pire que moi. De mettre le feu... Ouais, Stop. T'es pas game de mettre le feu, toi, avec. Ah ouais. Non, mais puis aussi pousser l'audace, là, faire... non, je te comprends. Ouais. Pardonne-moi jamais. T'es pas capable, de toute façon... Tu pues. Tu sais, comme nous, pensez-vous qu'on va pardonner à la fille qui dort dans la salle? On te... C'est un podcast, non, mais absolument. Suzanne Sommeil. Puis, chacun a son rituel pour écouter notre podcast. Il y en a qui nous écoutent en groupe dans les Pod Problem Party. Ah, ça brasse. Qu'on salue à travers le monde en ce moment. Salut. Oui. Salut. On a un gros à Strasbourg, je pense. À chaque fois qu'on parle de T-shirt, ils calent une bière. Oui. Et d'ailleurs, on salue aussi nos... Ils sont partis. Ah, Pascal est encore là. Nos techniciens de chez Sonar, Vincent Merci et Pascal. Beaucoup. Merci, Paul. Les meilleurs à Montréal. Amélie au bar. Oui. Oui, merci. Ainsi que le bar Les Passages. Chassé Toyota pour le lunch. Et le public qui s'est déplacé pour venir nous voir. Yeah! Ouais! Là-dessus, on se revoit la semaine prochaine. Et le mot de la fin, Antoine. Si vous avez un problème. C'est quoi, non? Vous avez un problème. Blackout. Attends, on te pardonne. Vous avez un problème? Nous avons un podcast. Yeah!